الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أحدثكم اليوم عن خلق ذميم وآفات خطيرة يبغضها الله سبحانه وتعالى وحذر منها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وأول من سنها هو إبليس الشيطان اللعين وسنه لأتباعه وسنها لأتباعه وأوقعهم بها المهالك في الدنيا والآخرة هذه الخصلة الذميمة هو الكبر يا عباد الله وهو من كبائر الذنوب كما قال العلامة الذهبي رحمه الله قال الله جل جلاله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة إبليس ومنعه السجود لله سبحانه وتعالى والكبر يا عباد الله يتلخص في أمرين اثنين رد الحق وعدم قبوله والتعالي على الناس وازدراؤهم واحتقارهم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من الكبر أو من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق أي رده وغمط الناس أي احتقارهم ومما يبين لنا خطورة الكبر يا عباد الله ما أوصى به نوح عليه السلام ولده حينما حضرته الوفاة قال إني قاص عليك الوصية آمرك باثنين وأنهاك عن اثنين فأمره عليه السلام بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده ونهاه عليه السلام عن اثنين الشرك والكبر، الشرك والكبر، فما أعظمه من ذنب. والكبر يا عباد الله له أنواع، الكبر له أنواع، التكبر على الله عز وجل، وهذا أشد الأنواع وأخبثه. يتعالى المرء، يتعالى العبد الذليل الضعيف أن يعبد الله سبحانه وتعالى وهو خلقه كفرعون ونمرود. والنوع الثاني التكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم معرفة نبوته وإعلان ذلك واتباعه، هذا عين العناد، هذا عين العناد. ككفار قريش. والنوع الثالث التكبر على الناس باحتقارهم والتعاظم في نفوس في النفس المرء نفسه وتزكية النفس والفخر بالأنساب إلى غير ذلك يا عباد الله. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وأشر الكبر من يتكبر على عباد الله بعلمه، فهذا ما استفاد ولم ينتفع بعلمه. والكبر له أسباب، منها العجب والحسد والكبر والرياء والجاه والمال والجمال إلى غير ذلك. الكبر يا عباد الله سبب الكفر بالله عز وجل، وسبب كفر الأمم السالفة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن قال الله جل وعلا: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهكذا قال قوم شعيب عليه السلام، وهكذا قال فرعون أو فعل فرعون وأتباعه، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والكبر يا عباد الله له أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة، منها أنه سبب عدم الانتفاع بالقرآن الكريم. قال الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فلا ينتفعون بالقرآن ولا يعملون به. والكبر سبب البعد عن الله، والله لا يحب المستكبرين. وإلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. والمتكبر به شبه بأهل الجاهلية. عن أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنحاية. والنحاية رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى يذل المستكبرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر بمشي في برديه قال: أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ويوم القيامة يحشرهم الله سبحانه وتعالى أمثال الذرة، أمثال ذرة عياذا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى nous a ordonné les nobles caractères et nous a interdit les mauvais comportements. Et certes, l'homme peut être éprouvé par certaines maladies du cœur, par certains mauvais comportements, et celui duquel nous allons parler aujourd'hui est celui qu'a innové Iblis, Al-Shaytan, le premier à avoir désobéi Allah Azza wa Jal avec cette maladie et ce mauvais comportement. Puis, certains ont hérité de lui, Iyadan Billah, et il les a fait ainsi tomber dans les pires péchés et les profondeurs de la malédiction du péché. Cette dérive, cette maladie du cœur et ce péché, ce mauvais comportement et l'orgueil, c'est un grand péché, comme l'a dit l'imam al-Dhahabi rahimahullah, et le premier à l'avoir instauré, Iblis, al-Shaytan, qu'Allah le maudisse. Allah nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ces deux versets, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se sont prosternés excepté Iblis, qui a refusé et s'est enorgueilli. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre également que lorsque Iblis a refusé de se prosterner, Allah lui dit, sur la traduction des sens de ce verset, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'ordonna cela? Il dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'exclua des hauteurs des cieux et il le vira de cette noblesse qui était le fait d'habiter en compagnie des anges et d'adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Allah Azza wa Jal l'humilia et le rabaissa suite à ce péché, l'orgueil et le fait de s'élever et de se voir meilleur que les autres. Et l'orgueil se résume en deux mots: le fait de rejeter la vérité et de ne pas l'accepter, et le fait de mépriser les gens et de se voir meilleur qu'eux. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entrera pas au paradis celui qui a le poids d'une petite graine d'orgueil dans le cœur. N'entrera pas au paradis celui qui a le poids d'une petite graine d'orgueil dans le cœur. Alors un homme a dit au messager d'Allah, l'homme aime avoir un beau vêtement et de belles chaussures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce n'est pas cela l'orgueil. Certes, Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Et parmi ceux qui nous montrent la gravité, la dangerosité de ce défaut, le fait qu'au moment de sa mort, le prophète Nuh, alayhi salam, fit des recommandations à son fils. Et il lui dit, je vais t'ordonner deux choses et t'en interdire deux autres. Je t'ordonne la ilaha illallah. Et je t'ordonne subhanallah wa bihamdi. Et je t'interdis le polythéisme et l'orgueil. Il a cité l'orgueil après le polythéisme. C'est un des pires péchés. C'est donc la recommandation du prophète, alayhi salam, à son enfant au moment de décéder. Ô combien est donc grave ce péché. Et l'orgueil a plusieurs facettes. Le fait de s'enorgueillir devant l'adoration d'Allah, alors que c'est lui qui nous a créés, ceci est la pire forme d'orgueil. ce qu'avait Pharaon, Nemrod et d'autres. Puis, le fait de s'enorgueillir devant la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne pas attester de cela, ne pas le reconnaître, ne pas le suivre, ne pas le prendre pour exemple. Voici l'orgueil. Troisièmement, l'orgueil devant les gens, les mépriser, se voir meilleur qu'eux, vanter ses mérites et ses qualités, se vanter de sa couleur, de son nom, de sa richesse, de sa beauté, et se voir au-dessus des autres par une de ses qualités. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu tout cela caduc et nous dit « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Le plus noble d'entre vous chez Allah est le plus pieux. Ni avec l'argent, ni avec la beauté, ni avec le nom de famille, mais avec la piété et l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et une des pires formes d'orgueil, comme le dit l'imam al-Dhahabi rahimahullah, l'orgueil de celui qui a étudié, qui a appris et qui a de la science, il s'enorgueille de par sa science et méprise les autres. Celui-ci n'a pas tiré profit de ses connaissances. Et parmi les causes de l'orgueil, le fait d'être imbu de sa personne, de s'étonner de ses qualités, ou encore l'envie, la jalousie, la haine et l'ostentation. L'orgueil a de nombreuses conséquences néfastes, toutes pires les unes que les autres dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est la cause de la mécréance des peuples auxquels ont été envoyés les prophètes avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du peuple de Thamoud, de Shu'ay, le peuple de Thamoud, de Had et d'autres encore. Et lorsque Thamoud est venu à son peuple, ou plutôt lorsque Saleh est venu à son peuple, le peuple de Thamoud, il leur a dit: « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité en dehors de lui. » Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'ils se sont enorgueillis et ils ont refusé de croire en lui. Pareillement pour le peuple de Shu'aïb, pareillement pour Pharaon, il s'est enorgueilli devant Moussa alayhi salam et Haroun. C'est ainsi que l'orgueil a les conséquences les plus néfastes et les plus dangereuses dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'orgueil est un voile qui empêche la méditation et la compréhension du Coran, qui empêche le fait de tirer profit et de mettre en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Allah nous montre dans le Coran qu'il va détourner ceux qui s'enorgueillissent devant ces signes. Il va détourner du Coran ceux qui s'enorgueillissent sur sa terre, c'est-à-dire qu'ils ne tireront point profit du Coran. L'orgueil est une cause pour être détesté auprès d'Allah. Il nous dit dans son livre « Innahu la yuhibbu al-mustakbiri » Certes, Allah n'aime pas les orgueilleux. Celui qui a de l'orgueil a une caractéristique semblable aux gens de la jahiliya, de la période d'avant l'islam, d'avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quatre caractéristiques font partie des caractéristiques de la jahiliya. Et les gens de ma communauté ne les délaisseront pas. Al-fakhru bil-ahsab wa ta'lu fil-ansab. Et ça, c'est une chose répandue. Le fait de critiquer les origines des autres et de se vanter de la sienne. Voici une des caractéristiques de la jahiliya. Et Allah Azza wa Jal humilie l'orgueilleux dans ce bas monde avant de l'humilier dans l'au-delà. Abu Huraira nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'un homme marchait avec orgueil, il se pavanait dans ses beaux vêtements, imbu de sa personne, c'est alors qu'Allah l'ensevelit sous la terre ou dans la terre. Et voici qu'il ne cesse de tomber jusqu'au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Il marche avec orgueil sur la terre, Allah Azza wa Jalla l'a enseveli dans la terre. Et il ne cesse de tomber jusqu'au jour du jugement dernier. Voici la finalité de ceux qui veulent s'élever sur ce bas monde ou dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal les humilie, comme l'a rapporté l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Abdullah ibn Omar nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La yanzurullah ila man jarrahu thawbahu khuyala » Allah ne regarde pas celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil. Le fait de laisser descendre ses vêtements sous ses chevilles est interdit en islam pour les hommes. Et c'est un péché. Quant à celui qui le fait par orgueil, c'est encore pire. Et Allah ne le regarde pas. Allah Azza wa Jal ne le regarde pas. Et à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, un homme a mangé avec sa main gauche. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Kul bi yaminik, mange avec ta main droite. Il lui a dit, La astatir. Il lui a dit, je ne peux pas. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Mastatat, tu ne pourras plus jamais. Rien ne l'a empêché d'agir ainsi si ce n'est l'orgueil. Il a refusé de manger avec la main droite par orgueil. Allah lui a donc paralysé la main droite. Il n'a plus pu manger avec sa main droite ni la porter à sa bouche. Car il a fait preuve d'orgueil devant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les conséquences de rejeter, ou plutôt de s'enorgueillir devant l'ordre du prophète alayhi salatu wa sallam. Et la finalité des orgueillés le jour du jugement dernier, Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Thalathatu, la yukallimuhum Allah, wa la yanzuru ilayhim, wa lahum adhabun adhim. » Trois personnes, Allah ne leur parlera pas, « wa la yuzakkihim, il ne les purifiera pas, il ne les regardera pas, et ils ont un châtiment douloureux. » Alim, Shaykhun Zani, une personne âgée qui commet la fornication, l'adultère. Wa Malikun Kadhab, un roi qui ment. Wa Sa'ilun Mustakbir, ou Miskinun Mustakbir, et un pauvre orgueilleux. C'est-à-dire que ces trois personnes n'ont pas les causes qui en général poussent à commettre la faute. L'orgueil est une cause de recevoir tout cela, comme l'a rapporté l'imam Muslim, rahimahullah. Et Jabir, radiallahu anhu, nous dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, parmi ceux que j'aime le plus, et qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection, ceux qui ont le meilleur des comportements. Et parmi ceux que je déteste le plus, et ceux qui seront le plus éloignés de mon assise le jour de la résurrection, Al-Tharthaaroun, Al-Mutashaddiqoun, Al-Mutafayhiqoun. Puis ils ont dit, que signifie ce dernier mot au messager d'Allah? Il a dit, Al-Mutakabbiroun, les orgueilleux. Parmi ceux que le prophète alayhi salatu wassalam déteste le plus, et qui seront le plus éloignés de lui, Yawm al-Qiyamah, les orgueilleux. Ceux qui rejettent la vérité et s'élèvent au-dessus des autres. Abdullah ibn Omar, ou ibn Amr plutôt, nous montre dans quel état ils seront ressuscités. Du fait que dans ce bas monde, ils s'élevaient et voulaient être plus grands que les autres, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Yuhsharu al-mutakabbiroun Yawm al-Qiyamah amthal al-dharra. Les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement dernier, tels des petites graines ou bien des petites fourmis. Ce seront des hommes, mais avec cette apparence-là. Puis il nous dit, ils seront couverts d'humiliation. Puis ils seront conduits dans une prison en enfer. Qu'on appelle Boulos. Et ils seront cernés de toutes parts par les flammes. Et ils auront à boire des déchets, des liquides des habitants de l'enfer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La finalité des orgueilleux. Ils seront ressuscités d'une manière humiliante. Puis ils seront conduits en prison en enfer. Puis on leur donnera à boire le pu et les déchets des liquides des habitants de l'enfer. Tout cela pour avoir voulu s'élever dans ce bas monde. Aussi, Allah nous montre dans le Coran qu'ils entreront en enfer humiliés. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin ay adilla saghirin. Ils entreront en enfer humiliés. Et il nous suffit, pour se prémunir de l'orgueil, de savoir que l'imam des orgueilleux, l'enseignant des orgueilleux, le guide des orgueilleux, c'est Iblis al-Shaytan. Et son héritier, c'est Pharaon et d'autres. Son héritier est Pharaon et d'autres. À l'image de Qarun, dans Surat al-Qasas, Allah Azza wa Jal nous montre qu'il sorte avec ses richesses et se pavane sur la terre d'Allah Azza wa Jal. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ. Allah Azza wa Jal l'a enseveli dans la terre ainsi que sa demeure et ses biens. C'est ainsi la finalité des orgueilleux. Et les pieux prédécesseurs avaient énormément peur de l'orgueil. Un jour, Abdullah ibn Amr a rencontré Abdullah ibn Amr à El Marwa. Et ils ont discuté ensemble. Puis Abdullah ibn Amr est parti. Et Abdullah ibn Amr est resté en train de pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il a dit, cet homme que vous venez de voir partir m'a transmis un hadith qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui a le poids le plus minime d'orgueil dans le cœur, kabbahullah fi wajhi finna, celui qui a une infime partie d'orgueil dans le cœur, Allah le retournera à l'envers et il le jettera sur son visage dans le feu de l'enfer. Alors Abdullah ibn Omar s'est mis à pleurer, radiallahu anhu. Al-Ahnaf ibn Qays disait, Adaban l'ibni Adam, comme est étonnante l'affaire du fils de Adam, yatakabbar wa qad kharaja min makhraj al-bawl marratayn. Comme est étonnante l'affaire du fils de Adam, il s'enorgueillit alors qu'il est sorti de l'endroit par lequel sort l'urine à deux reprises, c'est-à-dire une fois de son père lorsque son liquide sortit et une fois de sa mère lorsqu'elle l'a accouché de lui. Et un jour, un homme a croisé Al-Muhalla, un des grands chefs de l'armée à l'époque de Abd al-Malik ibn Marwan rahimahullah, et il marchait avec orgueil. Alors l'homme lui a dit, cesse de marcher de la sorte, Allah n'aime pas cela. Al-Muhallab rahimahullah lui a répondu, Ata'rifu man ana, sais-tu qui suis-je? C'est l'homme qui avait battu les Khawarij et de nombreuses guerres, Allah lui avait donné la victoire dans celle-ci. L'homme lui a dit, oui, je sais qui tu es. Tu es l'homme qui est sorti des lombes de son père, d'une goutte vive. Et lorsqu'il est décède, il devient un cadavre, un fait. Et entre-temps, lorsqu'il vit sur la terre, il porte les excréments dans son ventre. Puis Al-Muhallab a cessé cette démarche. Il a tiré profit de cette exhortation. Il nous faut donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Soigner nos cœurs après avoir cherché ses défauts. Et il nous faut purifier ses cœurs en cherchant les moyens de délaisser Al-Kibr. Et deux grandes causes permettent de purifier le cœur de l'orgueil. La première, ma'rifatullah, connaître Allah Azza wa Jal. Savoir que c'est le maître des mondes, le grand, le dominateur suprême, et que c'est le seul qui mérite de s'élever au-dessus de ses créatures par ses qualités. La deuxième cause est le fait de connaître sa propre personne, sa nature, qu'on a été créé faible d'une goutte, et de savoir d'où on vient, et de savoir et de connaître nos imperfections, et quelle sera notre finalité. Celui qui médite sur ces deux choses-là, la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, et la faiblesse de l'humain, ça l'éloignera de l'orgueil. El Hassan al-Basri disait, Es-sujoud, la prosternation purifie de l'orgueil, et Al-Tawhid purifie de l'ostentation. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يطهر قلوبنا من أمراضها ومن الكبر ومن العجب ومن الحسد ومن الحقد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين واقض الديون عن المدينين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Il y a plusieurs personnes qui vous demandent d'invoquer Allah Azza wa Jalla envers leurs proches qui sont malades. Ceci étant dit, je vous rappelle le projet de la construction de la mosquée. Le temps est déterminé et compté. Et nous avons des impératifs pour le commencement des travaux. Donc on encourage l'ensemble des fidèles à dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordé. Et on demande à Allah Azza wa Jalla de leur construire suite à cela une maison au paradis comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a promis. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم